comme tout le monde, j'ai grandi avec des images clouées au mur de mon âme. Parmi toutes ces icônes, Ernesto tenait le trône. Beau gosse en colère, vocation révolutionnaire. T'aurais pu finir Pipe et Panama, mais t'es là à mourir sans béret ni Cohiba. Toubib idéaliste, grand rêveur errant, tu as promené tes yeux sur leur douleur d'enfant. Tu as cru à ces mots qui te promettaient de guérir leurs maux, leur mal de liberté. T'aurais pu finir Pipe et Panama, mais t'es là à mourir sans béret ni Cohiba. Les hommes ne sont pas bons, ignorent leurs semblables, vendent père et mère pour des plaisirs éphémères. Alors ils t'ont cédé à tes ennemis jurés. Perdus au fond des bois, ils ont eu raison de toi. T'aurais pu finir Pipe et Panama, mais t'es là à mourir sans béret ni Cohiba. T'aurais pu finir Pipe et Panama, mais t'es là à pourrir sans béret ni Cohiba.